Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Walt Disney et la magie du dessin animé. La victime du sommeil de mort ne peut être ramenée à la vie que par un premier baiser d'amour. Un premier baiser? Bah! Il n'y a pas de danger. Les nains vont la croire morte. Ils vont l'enterrer vivante. Avec la sortie du film Blanche-Neige et les sept nains en 1937, c'est un grand coup que réalise Walt Disney. C'est la toute première fois qu'un studio ose produire un long métrage d'animation. Il faut dire que Disney joue gros dans cette affaire. On dit qu'il y a engagé toute sa fortune personnelle. Mais son pari sera réussi. Ce film marque un tournant dans l'histoire du cinéma d'animation. Et ce goût du risque et de l'innovation est d'ailleurs très vite devenu la marque de fabrique de Disney, avant même d'ailleurs qu'il ne se lance dans l'aventure de Blanche-Neige. On aurait entendu une mouche voler quand il entrait dans la pièce. Silence total. Il avait de l'autorité. Ça ne rigolait pas. Il s'asseyait et disait, « Alors, quoi de neuf ?» Je répondais, « J'ai une super idée. » Et lui, « Ça, on verra. Pour l'instant, tu as une idée. » À 30 ans, Walt Disney est déjà célèbre dans le monde entier. À 40 ans, il est salué comme un génie et distingué par le titre de docteur honoris causa de Yale et de Harvard. L'empire des médias et du divertissement qu'il a bâti s'inscrit parmi les plus puissants de la planète. Il a reçu plus d'Oscars que quiconque dans l'industrie. Créé une forme d'art cinématographique. Et inventer les parcs à thème. Son œuvre a ses inconditionnels sur tous les continents, mais aussi ses critiques qui dénoncent son vernis de sentimentalisme, d'optimisme béat et sa vision édulcorée des États-Unis. Well, kids, babes in Thailand is finished. Now it's time to celebrate. Nobody do this stuff. Personne ne l'égalait dans son rôle de chic type. Je crois qu'il voulait ressembler à son image. Qu'on se dise, c'est un homme sympathique et chaleureux, facile à vivre. Mais c'était faux. Extrait du documentaire Walt Disney, réalisé par Sarah Colt pour le compte de PBS en 2015, pour retracer la brillante carrière de Walt Disney, pour nous rappeler aussi l'immense importance qu'il a eue dans l'histoire du cinéma d'animation. Je reçois Michel Coulombe, qui est chroniqueur cinéma à notre radio et à notre télévision. Michel Coulombe, bonjour. Bonjour, Jacques. Qu'est-ce qu'il incarne, ce géant Walt Disney, dans la culture populaire américaine, Michel Coulombe? Aujourd'hui, c'est une marque universellement connue, mais c'est d'abord un symbole du divertissement populaire et familial. Et on pourrait dire maintenant aussi une valeur refuge. Tout le monde sait ce que ça promet, un film, un parc à thème qui porte le nom de Disney. C'est au fil des années quelque chose qui s'est incarné dans la culture américaine, qui la représente aussi, et dans la culture mondiale. Il fait partie de ce qu'est ce pays. Ça commence assez vite, son goût de la nature, parce qu'on va retrouver dans ses dessins animés des animaux, entre autres. Donc, la ferme va occuper une place dans sa vie. Parlez-nous un petit peu de ça, de ses racines, de sa jeunesse, de son enfance. C'est un enfant du Midwest qui a grandi dans une famille congrégationniste, donc assez traditionnelle. À la maison, il n'y avait que deux livres, la Bible, et ce sera effectivement le type de valeur auquel il se rattache, et un livre de contes. Et très rapidement, il s'associera aux contes. Il jouera, par exemple, l'enfant dans Peter Pan. Il va vite faire des adaptations de contes, même très, très jeune, et demeurer fidèle à cet univers des animaux. Il y a chez Disney, dans les dessins animés qu'il a produits, mais ensuite les films animaliers, des animaux qui ont des comportements humains, on parle d'anthropomorphisme, ben ça lui vient effectivement de ses origines. Très jeune, puisqu'il est aussi un homme très patriotique, il va vouloir, à 16 ans, participer à la Première Guerre mondiale, tricher sur son âge, se rendre effectivement sur le front. Il arrive après l'armistice, il fait partie des membres de la Croix-Rouge, il va rester un certain temps en Europe, et quand il revient, il se lance dans la création. Il avait peu de dispositions. Il avait des rudiments de dessin, mais ce n'était pas extraordinaire. Ouais. Mais c'est un homme qui avait un esprit d'entreprise. Son premier projet ambitieux, qu'il va mener d'abord à Kansas City et transporter ensuite en Californie, c'est Alice au Pays des Merveilles, où il combine, ce qu'il fera plusieurs fois dans sa vie, l'animation et les acteurs. Mais c'est vraiment avec son personnage de Mickey Mouse que Walt Disney connaît son premier grand succès. C'est un peu ce qu'il met au monde. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, Michel Coulombe. Parle-nous de ça. Dans quel contexte il crée ce fameux personnage de Mickey? C'est qu'en 1927, il avait créé un lapin, Oswald, avec Universal. Universal, une année plus tard, va lui voler son lapin, littéralement, en garder les droits. Et donc, il doit se rabattre sur un nouveau personnage. Il pense à une souris. À partir de là, lui, il va raconter toutes sortes d'histoires. Il avait une souris qui était son ami, il l'a transporté avec lui en Californie, amené dans son jardin. Bon, ils avaient une relation. Bon, ça, je crois que ça fait partie de la légende. Et il avait pensé nommer cette souris Mortimer. Et c'est sa femme qui pensera plutôt à Mickey. Et ça deviendra le personnage. Personnage qui a été créé pour le noir et blanc. Alors, c'est très simple. Hein, effectivement, Mickey est simple à dessiner. Et ce sera donc le héros d'une série de courts-métrages. C'est un personnage qui ne va pas migrer vers le long-métrage, qui demeure le symbole des parcs à thème, même si, depuis très longtemps, il n'y a pas de nouvelles aventures de Mickey. Il va innover en y ajoutant du son assez rapidement, et ça deviendra un personnage célébrissime qui est associé à sa voix, parce qu'il est, pendant de nombreuses années, Walt Disney, la voix de Mickey, la voix de Minnie. Mais puisqu'il a un problème pulmonaire, il fume beaucoup, c'est ce qui va d'ailleurs mettre un terme à ses jours, il va devoir cesser effectivement de faire cette voix. Mais il est donc intimement associé au personnage. Ouais. Et ce personnage-là, il est partout, très très tôt dans ses courts-métrages, mais il y en a vraiment une tonne de ces courts-métrages. Et c'est, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est exagéré de parler de Mickey comme presque un rival de Charlot, en tout cas quelqu'un de, un personnage aussi connu au cinéma à l'époque que Charlie Chaplin? En fait, Mickey est en partie inspiré de Charlie Chaplin. Ah bon? C'était une des sources d'inspiration de Walt Disney. Bon, le rapport au gag. Et puis, comme il y avait de l'anthropomorphisme chez Disney, ben, il avait cette idée, effectivement, d'une souris qui faisait toutes sortes de choses. Et puis, une souris qui n'est pas à son rang de souris, puisqu'elle a un chien. Alors, donc, déjà, les proportions, vous voyez, on ne respecte pas la réalité. Et en fait, Charlie Chaplin le lui rendait bien, parce que quand il a sorti Les Lumières de la Ville, il a insisté pour qu'il y ait un dessin animé de Mickey Mouse en première partie. Donc, c'est un rapport qu'ils avaient l'un et l'autre, deux icônes, évidemment, du cinéma américain. Ouais. Parliez de la voix de Walt Disney qu'on va entendre dans certains de ses dessins animés. En 1928, il va produire, Walt Disney, le premier dessin animé sonore de l'histoire, un film dans lequel, justement, apparaît le personnage de Mickey, le film Steamboat Willie. À cette époque, on travaillait d'abord l'image, puis on ajoutait le son par la suite. Nous ne pouvions pas encore doubler en mixant des pistes sonores. Il nous fallait donc tout sonoriser d'un seul coup. We used to have to do everything at one time. And we used to have to run the cartoon. We'd have the fellows with the sound effects. We had the people with the voices. On faisait alors jouer le dessin animé. Puis, les musiciens, les acteurs-doubleurs et les bruiteurs s'exécutaient et devaient se synchroniser. Pour nous aider, on observait une ligne fuyante qui oscillait à différents rythmes. Et comme c'était des musiciens, ils étaient familiers avec ces notions rythmiques. Alors, quand l'oscillation atteignait une certaine fréquence, ils y allaient de leur « hop, bang » ou autre effet sonore. Ça fonctionnait à tout coup. C'était une joyeuse cacophonie. It was kind of opening night for everybody. Oh yeah, it was a madhouse. It really was. Walt Disney en entrevue au Réseau anglais de Radio-Canada en 1963. Tout au cours de sa carrière, Walt Disney va chercher à innover sur le plan de la technologie. Le film Steamboat Willie en est un bon exemple, Michel Coulombe. En quoi ce film-là innove-t-il, justement? Bien, d'une part, il est inspiré de Buster Keaton, puisqu'il en reprenait en partie le titre. Son Steamboat, c'était une référence immédiate à Buster Keaton. Par ailleurs, c'est effectivement ce travail sonore qu'il évoquait. C'était compliqué, le son à l'époque, il n'y avait pas de mixage, donc il fallait produire la musique, les voix et les effets sonores, tout ça en même temps. Et lui, il a eu cette idée de jouer sur une synchronicité du mouvement et des sons pour créer de l'humour, d'un rythme toujours haletant. Il se passe toujours quelque chose, des aventures, et puis un personnage qui est à la fois un peu humain, anthropomorphisme que j'évoquais, mais aussi très élastique. Tout est possible dans l'univers de Mickey Mouse. Il y a effectivement beaucoup d'inventions dans son Steamboat Willie. Il va poursuivre sur cette voie-là, puisque c'est un homme innovateur, par exemple, avec des fleurs et des arbres, qui sera le premier dessin animé gagnant d'un Oscar, fait en Technicolor. Il faut dire que Disney avait, avec son frère Roy, le sens des affaires. Ils ont obtenu, quand Technicolor est apparu, donc la couleur, l'exclusivité en dessin animé pendant 3 ans, ce qui lui a permis de faire des expérimentations et d'être à l'avant-plan de ce côté-là. Et ça, ça va être vraiment une constante tout au cours de sa carrière. Il va chercher à toujours être un pas en avant dans l'innovation, toujours et toujours. Ma maison est de paille, ma maison est de foin. Sur ma flûte, sans me faire relever, je m'amuse tout le jour. Ma hutte est de bâtons, de branches et ma hutte. À pavis et gai, au son du violon, des danses je fais. De pierre, osez la mienne. En 1933, le film Les Trois Petits Cochons et cette chanson qu'on vient d'entendre remporte un succès immense aux États-Unis. Et ça, Michel Coulombe, ça nous permet de parler de ce talent qu'avait désigné pour sentir l'air du temps, pour s'inscrire dans l'air du temps aussi. Et cette ouverture musicale, parce qu'il va utiliser le jazz, la musique classique, tout ce qui est musical, effectivement, est convié dans ses films. La chanson, on n'a pas entendu le thème, c'est « Qui a peur du grand méchant loup ?» Du grand méchant loup, effectivement, ce sera un succès aussi grand que le film qui, lui, présenté en première partie au cinéma, va l'être pendant des mois. Il faut dire qu'on est en 1933, c'est la Grande Dépression, ouais. Et ce loup qui nous menace, qui menace le premier petit cochon, le deuxième, et puis finalement, lui résiste, c'est cette grande dépression qui ne nous vaincra pas. Ça deviendra même un symbole pour Roosevelt et plus loin, au Canada, donc plus loin et plus tard, quand la Deuxième Guerre mondiale est déclenchée, l'Office national du film du Canada produit des films de propagande et on fera un Trois Petits Cochons, c'est-à-dire avec Disney, exactement le film, mais on ajoutera un brassard nazi au grand méchant loup qui devient effectivement cette menace qui pèse sur le monde et ce qui l'empêche dans la troisième maison, ben, ce sont des bons de la victoire, cet effort de guerre que font les citoyens. Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Vois apparaître sur le fruit le symbole de ce qui détruit. Pomme devient rouge pour tenter Blanche-Neige et lui donner envie de te croquer. Blanche-Neige et les sept nains, on y revient forcément. Ce film-là sort sur les écrans en 1937 et marque vraiment un tournant majeur. Pour Walt Disney, bien sûr, mais aussi dans l'histoire du cinéma. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait de ce film-là un film si important, Michel Coulombe? Il n'y avait pas, à ce moment-là, aux États-Unis, de dessins animés de long métrage. On pensait pas qu'il y avait un public enfant pour ce genre de film. Lui, Disney, se dit, tiens, il y a là un créneau. Il va tout y investir. Il va hypothéquer ses biens personnels, mettre en danger sa compagnie parce que les coûts sont prohibitifs. Ce qui devait coûter un certain montant coûte le double, le triple, le quintuple. C'est de plus en plus coûteux, mais il y croit. On rit de lui parce qu'on se dit c'est complètement absurde et ce sera un immense succès. L'un des plus grands succès, quand on ajuste à l'inflation le box-office de 1937, ben, on constate effectivement que c'est un succès énorme et qui aura un impact sur l'industrie du cinéma. Par exemple, Le Magicien d'Oz sera tourné parce qu'on se dira, tiens, il est possible de faire ce genre de film pour enfants. Ouais. Disney a ouvert la porte. Quand il travaillait à ce genre de film, Disney, et il y en aura des tas d'autres, hein, c'est un conte de fées, il en produira quelques-uns par la suite, bien sûr, il s'installe avec les créateurs et il fait toutes les voix. Il se met devant un miroir et il joue. Il est tous les personnages, un peu comme il était la voix de Mickey. Il s'immerge complètement dans cette culture-là. Et puis, il pense aux animaux. Les écureuils font la vaisselle. On chante, on danse, c'est joyeux. Les sept nains qui existaient déjà dans le conte d'origine n'avaient pas de nom ni de personnalité. Là, ils ont tous un nom et effectivement quelque chose de distinctif. C'est ça, l'univers de Disney, côté joyeux. Et puis, il y a là une des caractéristiques de son cinéma, c'est-à-dire une chanson de vœux. Il y a souvent ça dans les films de Disney. Un jour, mon prince viendra. Ouais. Donc, de l'espoir dans une chanson, ce sera un succès colossal. Et l'entreprise aura ce génie de se dire, tiens, les enfants, ça se renouvelle constamment. Donc, et puis on n'est pas à l'ère des DVD ni des réseaux sociaux. Donc, on ressort Blanche-Neige régulièrement. Et c'est comme ça que ça devient un immense succès. Et puis, on a trouvé la recette. Là, c'est parti. Les autres grands films vont sortir. On y reviendra. Mais Pinocchio, Dumbo, Bambi, c'est vraiment parti. Cela dit, 37, c'est toujours juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et cette période-là, la période de la Seconde Guerre mondiale qui commence en 1939, c'est une période difficile pour Disney. Pourquoi? C'est une période difficile parce que, bon, d'une part, il y a une forme d'ambiguïté chez lui quant à son rapport avec l'Allemagne, ce que certains vont lui reprocher. Il ne veut pas perdre ce marché-là. Effectivement, quand la Deuxième Guerre mondiale est déclenchée, le marché européen disparaît pour tous les producteurs américains. Donc, c'est une perte de son côté. Il va avoir des problèmes d'employeur. C'est-à-dire qu'il est, depuis le début, dans une entreprise, dans son esprit, une entreprise familiale avec son frère Roy. Et il considère donc ses employés comme un peu ses enfants. On le dit assez paternaliste. Et bien, quand ses employés vont faire une grève, vont revendiquer un syndicat, vont demander de meilleures conditions de travail, lui, il leur donne de beaux espaces de travail, mais pas des salaires faramineux, là, il comprend rien. Et on va littéralement devoir le sortir du pays. Il ira faire une mission en Amérique du Sud le temps que son frère règle les choses. Mais quand il reviendra, il l'estimera que c'est une trahison et qu'il y a là donc une fêlure, une blessure qui ne sera jamais réparée dans son esprit. On n'a pas répondu aux demandes de papa. Par ailleurs, quand on déclenche la guerre aux États-Unis, au moment de Pearl Harbor, on va investir ces studios, les réquisitionner, et il fera des films de propagande. Donc, le vent tournera un peu pour lui à ce moment-là. Oui. Puis le côté sombre de Disney, c'est bien sûr, puis vous l'avez évoqué, ses accointances, entre guillemets, nazies. Leni Riefenstahl va venir le voir à Hollywood. Son frère Roy va faire la promotion de Blanche-Neige auprès de Goebbels pour que le film soit présenté en Allemagne quand il sort en 37. Et puis, il y a un autre côté sombre, c'est le macartisme. Disney est un anticommuniste farouche. C'est un anticommuniste et, en fait, c'est un patriote. Comme aux États-Unis, le discours anticommuniste est dominant, lui se range de ce côté-là et il va effectivement témoigner à la commission de McCarthy. Donc, il fera partie avec Ronald Reagan, Gary Cooper, de ceux qui dénoncent certains de leurs collègues en disant, il y a des communistes parmi nous. Il s'adonne, dans le cas de Disney, que ceux qui ont fomenté la grève, que les employés qui lui ont résisté, sont parmi ceux qu'il dénonce. Donc, il y a là une forme de vengeance pour lui. Mais ça dit bien aussi l'homme traditionnel qu'il est. Et pour moi, Disney, c'est deux choses qui vont ensemble, mais qui, c'est un peu paradoxal. C'est un progressiste conservateur. Ouais. Donc, quelqu'un qui innove constamment, mais dont les valeurs sont extrêmement conservatrices. C'est pas là qui va secouer la société américaine. Ouais. Revenant à son cinéma, son âge d'or, je pense qu'on peut dire que c'est quoi, les années 50-60? À quoi ça ressemble, cet âge d'or de Disney? C'est absolument extraordinaire. Encore là, parce que c'est un innovateur. Bon, il a une période de repli, il s'installe chez lui, il se fait construire un petit train parce que il veut réfléchir à la société, puis essayer de voir comment les choses se passent, il veut prendre un recul, mais ça l'amènera à créer un parc à thème, Disneyland, Disney World. Ce sera effectivement le fruit de cette imagination débordante qu'il avait, de son amour pour le monde ferroviaire, par exemple, les petits trains qui circulent, alors qu'à l'époque, les parcs à thème n'avaient pas bonne presse, ils étaient mal tenus. Lui a l'idée d'un endroit vraiment propre, hein, très très propre, et qui est un lieu de convergence pour les familles. Donc c'est vraiment l'idée qu'il s'en fait. Par ailleurs, il va se lancer dans la production télévisuelle, rapidement choisir la couleur, alors que plusieurs hésitent. Évidemment, la couleur n'est pas répandue, ce qui fera que ses œuvres seront plus durables. Ce ne sera pas de vieux films en noir et blanc. Choisir les films animaliers, encore là, avec de vrais animaux, mais avec un esprit anthropomorphiste. Il va faire des divertissements familiaux pour la télévision, donc des heures Disney. Et un peu comme Alfred Hitchcock est devenu célèbre, notamment parce que c'était Alfred Hitchcock présente, on le voyait à l'écran, bien, ce sera Walt Disney présente. Par ailleurs, il va ouvrir son jeu. Il produisait bien sûr des films d'animation et de grands films d'animation. Ce sera, par exemple, La Belle et le Clochard, Les 101 Dalmatiens, mais aussi de grands films avec des comédiens, 20 000 lieues sous les mers, par exemple, et puis s'ouvrir aussi, hein, au cours de cette période, à l'animation électronique dans ses parcs à thème. Il voulait qu'il y ait des animaux, mais l'ennui, c'est que les animaux, ils répondent pas aux commandes. Oui. Donc, certains ont des cycles nocturnes. Il voulait que les spectateurs, les familles voient vraiment un hippopotame quand il passerait à tel endroit. Donc, ben, il a créé, fait créer des hippopotames mécaniques qui sont effectivement des trompe-l'œil formidables. Les gens y croient complètement. Oui. Donc, vous voyez, il innove, créer même un Lincoln pour une foire universelle, plus vrai que vrai, qui s'adresse aux Américains. Son sens des valeurs traditionnelles, mais aussi de l'innovation, vont là trouver effectivement un lien assez payant. Walt Disney meurt en décembre 1966. Michel Coulombe, il n'a que 65 ans. Terminons cette émission en parlant de cette mort, de cette légende urbaine presque, qui va durer très, très longtemps autour de sa mort. Donnons-lui trois explications. Effectivement, il est incinéré et on dit qu'il est congelé et qu'il va nous revenir un jour. C'est parce que le service funèbre a eu lieu, mais vraiment de façon très, très privée. Il n'y avait que la famille immédiate. Donc, ce secret-là fait qu'on cachait probablement quelque chose. Par ailleurs, il s'est trouvé un journaliste pour dire, ben voilà, j'ai fait une visite de l'entreprise et puis j'ai vu ce cylindre dans lequel se trouvait Disney. Il a été congelé et tout. Bon, c'est n'importe quoi, mais on le répète. Par ailleurs, il faut dire que dans la société américaine, les figures iconiques ne doivent pas mourir. Marilyn Monroe n'est pas morte. John Fitzgerald Kennedy non plus, pas plus qu'Elvis Presley. Ouais. Ils sont probablement tous sur une île avec Walt Disney. Mais on y a cru. C'est ça qui est incroyable, cette histoire de congélation. Parce qu'on veut y croire. Ouais. On veut y croire. Et ça nous en dit beaucoup sur le personnage et sur ce pays. Michel Coulombe, ami de l'émission, chroniqueur cinéma à notre radio et à notre télé, merci beaucoup. Au revoir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.